La révélation de ce nom de Ben Joyce produisit l'effet d'un coup de foudre. Ayrton s'était brusquement redressé. Sa main tenait un revolver. Une détonation éclata. Glenarvan tomba, frappé d'une balle. Des coups de fusil retentirent au dehors. John Mangles et les matelots, d'abord surpris, voulurent se jeter sur Ben Joyce, mais l'audacieux convict avait déjà disparu et rejoint sa bande, disséminée sur la lisière du bois de gommier. « Au chariot !» cria John Mangles, et il entraîna Lady Edna et Mary Grant, qui furent bientôt en sûreté derrière les épaisses ridelles. Là, John, le major, Paganel, les matelots, saisirent leurs carabines et s'étaient repris à riposter aux convicts. Glenarvan et Robert avaient rejoint les voyageuses, tandis que Olbinett accourait à la défense commune. Ces événements s'étaient accomplis avec la rapidité de l'éclair. Le major et John fouillèrent la campagne environnante. La bande de Ben Joyce semblait s'être envolée comme une troupe d'oiseaux malfaisants. Le chariot, véritable forteresse embourbée, devint le centre du campement, et deux hommes, se relevant en deux runners, firent bonne garde. Glenarvan rassura lui-même et ses amis sur le résultat du coup, et on en vint aux explications. Le major fut invité à parler. Comment Manap avait-il reconnu ce Ben Joyce dans le quartier Metterton? Depuis le jour de sa rencontre, Magnap, par instinct, se défiait d'Ayrton. Deux ou trois faits presque insignifiants, un coup d'œil échangé entre le quartier maître et le forgeron à la Wimmera River, l'hésitation d'Ayrton à traverser les villes et les bourgs, son insistance à mander le Duncan à la côte, la mort étrange des animaux confiés à ses soins, enfin, un manque de franchise dans ses allures, tous ces détails, peu à peu groupés, avaient éveillé les soupçons du major. Cependant, il n'aurait pu formuler une accusation directe, sans les événements qui s'étaient passés la nuit précédente. Magnaps, se glissant entre les hautes touffes d'arbrisseaux, arriva près des hommes suspects qui venaient d'éveiller son attention à un demi-mille du campement. Magnaps reconnut le maréchal Ferrand de Black Point et il apprit qu'Ayrton avait inventé le lieu du naufrage pour s'emparer du Duncan. Mais à mon avis, cet homme s'appelle réellement Ayrton. Ben Joyce est son nom de guerre. Ayrton et Ben Joyce, c'est-à-dire un matelot de Britannia devenu chef d'une bande de convicts. Pour la seconde fois, l'interprétation erronée du document venait de jeter sur une fausse piste les chercheurs du Britannia. Par tirage au sort, on désigne Mulready pour aller à Melbourne porter une lettre à Tom Austin. Glenarvan reprit la dictée de sa lettre, qui fut définitivement libellée en ces termes. Ordre à Tom Austin de prendre la mer sans tarder et de conduire le Duncan par 37 degrés de latitude de la côte orientale de l'Australie. De l'Australie, dit Paganel. Ah oui, de l'Australie. Puis il acheva sa lettre et la présenta à la signature de Glenarvan. Puis il quitta le chariot, gesticula et répétant, c'est moins incompréhensible. Ellen, Zealand.